إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous avions évoqué dans le cours précédent des événements qui ont eu lieu durant la deuxième émigration des musulmans en Abyssinie. Au final, les deux émissaires de Quraysh revinrent sans avoir réussi à ramener avec eux les croyants. De ce fait, les croyants furent sous l'autorité de Najashi, le Négus, et ils restèrent en terre d'Abyssinie jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur permettra d'émigrer à Médine par la suite. Pendant ce temps-là à Mecca, et n'ayant pas réussi à récupérer les émigrés musulmans, les Quraïchites entrèrent dans une rage folle et se mirent à songer à éliminer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, cela est une des plus grandes causes qui poussera le messager à émigrer à Médine par la suite. Les musulmans restés à la Mecque étaient relativement peu nombreux. Ils étaient soit nobles et protégés par leur clan, soit sous la protection d'un puissant notable. Ils n'en dissimulaient pas moins leur conversion à l'islam et continuaient à être victimes de persécutions malgré leur clan ou la notoriété de certains. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a quant à lui adoré Allah et prié sous le regard des tyrans, invoquant son Seigneur à voix haute comme à voix basse. Et rien ni personne n'aurait pu l'en détourner car Allah subhanahu wa ta'ala lui en avait donné l'ordre. Qal Allahu jalla wa ala fazda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Rien ne protégeait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après Allah subhanahu wa ta'ala des associatres, si ce n'est sa pudeur et le respect qui émanait de lui, la protection d'Abu Talib et le soutien du clan des Bani Hashim. Cependant, ces obstacles avaient de moins en moins d'effet sur les associatres qui étaient prêts à tout pour protéger leurs privilèges et leur mode de vie en péril. L'imam al-Bukhari Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi nous rapporte sous le numéro 4815 d'après Urwa ibn Zubair qui a dit: j'ai demandé à Ibn Amr ibn al-As de me raconter la plus violente des agressions à l'encontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dont il était témoin. Et il me dit: tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait proche de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'ayth, un des hauts dignitaires de Quraysh et un des plus virulents contre l'islam et les musulmans, s'approcha de lui et l'étrangla avec son vêtement. Abu Bakr, radiallahu anhu, est alors venu l'éloigner du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant: Ataqutuluna rajulan an yakula rabbi Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Amr ibn al-As, le père de Abdullah, fut témoin de cet événement et il est fort probable qu'il ait entendu cela de son père. Autrement dit, cette narration de Abdullah ibn Amr ibn al-As à Urwa ibn Zubair est en fait ce que lui a raconté son père Amr ibn al-As, qui, comme je vous le rappelle, est un des deux émissaires qui a essayé de négocier avec al-Najashi pour récupérer les musulmans à Mecca. Plus tard, il se convertira à l'islam et c'est lui qui racontera cela à son fils, Abdullah ibn Amr, qui lui-même le racontera à Urwa ibn Zubayr, comme rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Nous allons, inshallah tabaraka wa ta'ala, citer la conversion de deux grands hommes dans l'islam qui ont marqué un tournant décisif dans la tournure des événements qui vont suivre. Concernant la conversion de Hamza ibn Abdel Muttalib, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Mubarak Fouri Rahmallah tabarak wa ta'ala, dans son livre Ar-Rahiq al-Makhtoum, le Nectar Cacheté, a dit: cette conversion eut l'effet d'un éclair illuminant un ciel encombré de nuages, de l'injustice et de la violence. Hamza, le fils de Abd al-Muttalib, embrassa l'islam à la fin de la sixième année de la prophétie, au mois de Dhul-Hijja, et cela selon la majorité des savants. Selon un autre avis des savants, il se convertit durant la neuvième année de la prophétie, juste avant la conversion de Omar. Quelles sont les circonstances de sa conversion? Un jour, Abu Jahl, Amr ibn Hisham al-Makhzoumi, passa auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au mont de Safa, et il le maltraita, il l'injuria, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réagissait guère à cette agression. Alors Abu Jahl le frappa à la tête à l'aide d'une pierre et le fit saigner, avant de le laisser et de rejoindre les autres Quraïchites qui se trouvaient à la Kaaba. Une esclave de Abdullah ibn Jud'an, qui avait été témoin de la scène, elle qui habitait non loin de là, enregistra cet événement. C'est alors que Hamza revint de la chasse et que l'esclave l'a mis au courant de ce qui venait de se produire. Hamza, irrité de l'humiliation que venait de subir son neveu, il alla trouver Abu Jahl dans l'intention de le venger. Une fois arrivé à la Kaaba, Hamza sauta face à Abu Jahl et lui dit: oserais-tu insulter mon neveu tandis que je professe sa religion? Il a dit cette parole tout en sachant qu'il n'était pas encore converti à l'islam. Des hommes du groupe de Abu Jahl des Bani Makhzoum se soulevèrent contre Hamza et ils se mirent à se battre avec les hommes des Bani Hashim qui eux soutenaient Hamza. Abu Jahl à la fin mit un terme à cette dispute en disant: lâchez Abu Umara, Abu Umara c'est Hamza. J'ai violemment insulté son neveu. Autrement dit, c'est moi qui ai commencé les hostilités, ne lui en tenez pas rigueur. Cette conversion à l'islam était à l'origine un refus de voir son neveu humilié. Mais par la suite, Allah lui ouvrit le cœur à l'islam et sa conversion devint réelle. Il fut alors un soutien de taille pour les musulmans. Une chose très importante concernant ce récit qu'a cité Al-Mubarak Furi dans son livre Ar-Rahiq al-Makhtoum et que citent aussi d'autres savants dans leur livre concernant la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette narration n'est rapportée par aucune chaîne de transmission authentique. Et chacune de ces chaînes de transmission ne viennent non plus se renforcer les unes les autres. Donc, c'est un récit qui, dans ses détails, doit être pris au conditionnel. Concernant maintenant la conversion de Omar ibn al-Khattab, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. La conversion de Omar, radiallahu anhu, eut lieu avant le retour des deux émissaires de Quraysh, Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As, des terres d'Abyssinie, c'est-à-dire à la fin de la cinquième année, comme le souligne Ibn Ishaq, rahimahullah, qui situe sa conversion juste après la première émigration. Il y a un deuxième avis chez les savants, et c'est ce qu'a rapporté le Waqidi, qui, au regard de ses narrations, la situe en fin d'année 6 de la prophétie, c'est-à-dire un an après la date soutenue par Ibn Ishaq, au mois de Dhul-Hijjah, à la fin de la sixième année de la prophétie. Omar avait alors 26 ans, et le nombre de musulmans à Mecca à ce moment était de 40, 50 ou 56, suivant les avis, et 10 ou 11 femmes. Ce qui vient appuyer ce deuxième avis, et l'âge de Abdullah ibn Omar, qui avait 5 ans. Il raconte la conversion de son père. Et comme il est né 2 ans après le début de la révélation, l'islam de Omar ne peut être antérieur à la fin de l'année 6 ou 7 de la révélation, comme le souligne Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Cheikh al-Albani conclut quant à lui que cela fut 4 ans avant l'émigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est-à-dire la 9e année de la révélation. Quoi qu'il en soit, la conversion de Omar s'est faite graduellement. Il faut savoir qu'il ressentait des sentiments contradictoires vis-à-vis des musulmans, parfois de la colère et de la haine, et parfois de la tendresse et de la miséricorde. Deuxième chose, il était émerveillé par la prière des musulmans et leur endurance dans leur religion. Le savant Akram Diya al-Umari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Omar était un homme fort, inspirant la crainte et le respect. Il infligeait toutes sortes de préjudices aux musulmans avec virulence. L'imam al-Bukhari, rapporte d'après Saad ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, le petit cousin paternel de Omar et le mari de sa sœur Fatima bint al-Khattab, qui a dit « Wallahi, laqad ra'aytuni wa inna Omara la mouthiqi ala l'islam qabla an yuslima Omar. » Saïd ibn Zayd a dit « Par Allah, je me suis vu ligoté par Omar à cause de ma conversion. » C'était avant que Omar n'eût embrassé l'islam. Quand est-ce que Saïd ibn Zayd prononça cette parole? Après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait dans une des mosquées de Koufa au sud de l'Irak. Il rapporta la dureté qui était celle de Omar avant sa conversion à l'islam. Mais cette dureté apparente de Omar cachait derrière elle de la miséricorde et de la tendresse. Ummu Abdillah bint Abi Hathma, Layla bint Abi Hathma de Bani Adi, qui fait partie de ceux qui ont émigré deux fois en Abyssinie. Et elle est l'épouse de Amir ibn Rabi'a, qui lui aussi fait partie des Bani Adi, tous deux de la même tribu et du même clan que Omar ibn Khattab. Alors Layla bint Abi Hathma a dit, par Allah, pendant que nous nous préparions pour l'Abyssinie, et Amir, c'est-à-dire son mari, était parti régler quelques-unes de nos affaires, Omar ibn al-Khattab arriva et se mit en face de moi. Il était encore associâtre, et nous souffrions beaucoup de sa persécution et de ses méchancetés contre nous. Il dit, c'est la fuite, ô Ummu Abdillah. Je dis alors, oui par Allah, nous partirons certes pour la terre d'Allah, puisque vous nous avez persécutés et opprimés jusqu'à ce qu'Allah nous trouve une issue favorable. Il répondit, qu'Allah vous accompagne. Sahibakumullah. J'ai vu en lui, dit Layla, une certaine tendresse que je ne lui reconnaissais pas. Puis il partit et je vis en lui qu'il était triste de notre départ. Peu après, Amir, le mari de Layla, revint avec la chose qu'il chercha. Je lui dis, ô Abu Abdillah, si tu avais vu Omar tout à l'heure et sa tendresse et sa tristesse à votre égard. Alors Abu Abdillah répondit, espères-tu qu'il se convertira à l'islam? J'ai répondu oui. Il dit, celui que tu as vu n'embrassera l'islam qu'après que l'âne d'Al-Khattab eut embrassé l'islam. Celui que tu as vu n'embrassera l'islam qu'après que l'âne d'Al-Khattab eut embrassé l'islam, c'est-à-dire jamais. Il a dit cela désespéré parce que Omar était très sévère et brutal envers les musulmans et l'islam. Ce récit rapporté comme tel est un récit qui est bon et acceptable et rapporté par Ibn Ishaq dans As-Siyar ou Al-Marazi. On tire de cela que le musulman ne doit jamais désespérer de la guidée d'un musulman égaré ou de la conversion d'un mécréant. Peu importe qui il est, peu importe son passif, peu importe son animosité vis-à-vis de l'islam et des musulmans, peu importe ses péchés, peu importe son orgueil, Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui possède les cœurs et sa miséricorde est immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah qu'il secoure sa religion par Omar radiallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala exauça cette invocation et Omar se convertit à l'islam. L'islam se renforça et les musulmans pouvaient prier ouvertement proche de la Kaaba sans que personne ne s'y oppose. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi, et hadith qui a été rendu bon par Cheikhoun al-Albani, qala sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma a'izz al-Islam bi'ahabbi hadayni rajulayni ilayk, bi'abi jahlin, aw bi'umar ibn al-Khattab. Qala wa kana ahabbuhuma ilayhi umar. D'après Ibn Omar, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Allah, secours l'islam par celui des deux le plus aimé auprès de toi, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab ?» Et Abdullah Omar de dire « Le plus aimé des deux fut Omar. » Le plus aimé des deux fut Omar. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait « Depuis la conversion de Omar, nous sommes devenus forts et nous n'avons pas cessé de l'être. » Il dit aussi, « Auparavant, il nous était impossible de prier dans l'enceinte sacrée, et cela perdura jusqu'à la conversion de Omar, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Lorsqu'il se convertit, il les combattit jusqu'à ce qu'ils nous laissèrent prier. Il dit aussi, radiallahu anhu, sa conversion fut une victoire et un secours. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dira, plus tard, lorsque Omar, alors calife, fut poignardé et se trouvait aux affres de la mort, Abdullah ibn Abbas lui dit ceci, lorsque tu t'es converti, ta conversion fut une fierté et une force pour les musulmans. Et Allah, par ton biais, fit triompher l'islam, le messager d'Allah et ses compagnons. Ibn Ishaq, par une chaîne de transmission qui est bonne, rapporte d'après la version de Nafi', l'affranchi d'Abdullah ibn Omar, sur l'autorité d'Abdullah ibn Omar, qui m'a dit, lorsque mon père Omar a embrassé l'islam, il a dit, parmi les Quraysh, quel est l'homme le plus capable de répandre les nouvelles ? On lui répondit, c'est Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Omar est allé le voir le lendemain. Moi, Abdullah ibn Omar, je suis allé à sa trace pour voir ce que ferait mon père. J'étais alors un garçon qui comprenait tout ce que je voyais. Il est arrivé à Jamil et lui a dit, « Sais-tu, ô Jamil, que j'ai embrassé l'islam et adopté la religion de Mohammed ?» Par Allah, Jamil ne discuta pas avec lui, jusqu'à ce qu'il se leva et Omar le retint par son vêtement et le suivit. Moi, j'ai suivi mon père. Dès que Jamil arriva à la porte de la mosquée, il cria d'une voix très forte, « Ô gens de Quraysh !» Et ils étaient dans leurs endroits où ils avaient l'habitude de s'asseoir autour de la Kaaba. « Omar ibn al-Khattab a apostasié, qad saba'a. » Omar, qui était derrière lui, lui a dit, « Il a menti, mais j'ai plutôt embrassé l'islam. » Et je confesse que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Les gens de Quraysh l'attaquèrent et un combat s'engagea, Omar d'un côté et ce groupe de Quraishites de l'autre, jusqu'à ce que le soleil se trouvât sur leur tête, c'est-à-dire jusqu'à la mi-heure de la journée. Puis Omar se fatigua et s'assit. Ils étaient debout autour de sa tête quand il leur dit « Faites ce que vous voulez, car je jure par Allah que si nous étions 300 hommes, nous aurions combattu sur pied d'égalité. » Entre-temps, Omar retourna chez lui et les gens se regroupèrent devant sa porte. La nouvelle de sa conversion s'était répandue et toute la vallée fut remplie des gens des différentes tribus. À ce moment, un chir de Quraysh, en robe yéménite et en vêtements brodés, arriva, s'arrêta et demanda de quoi s'agit-il. Quand on lui dit que Omar apostasia, il dit, pourquoi un homme ne doit-il pas avoir le droit de choisir une religion? Et qu'est-ce que vous tentez de faire? Pensez-vous que les Banu Adi vous laisseront faire ainsi avec leurs compagnons que voici? Laissez donc cet homme tranquille. Par Allah, ils le quittèrent comme s'ils étaient un vêtement enlevé de dessus de son corps. J'ai dit à mon père, après l'émigration à Médine, « Oh mon père, qui fut cet homme qui chassa les gens loin de toi à Mecca le jour de ta conversion à l'islam, pendant qu'il te combattait. » Omar répondit, « Ô mon fils, cet homme-là fut Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. » Al-As ibn Wa'il al-Sahmi, le père de Amr ibn al-As et de Hisham ibn al-As, un des plus virulents envers l'islam et les musulmans, et il décédera dans la mécréance. Seulement ici, il a défendu Omar ibn al-Khattab. La réponse de Quraysh sur la conversion de Omar fut virulente de telle sorte qu'ils voulurent l'emmener dans la vallée en dehors des limites sacrées du Haram pour le tuer, si ce n'était l'intervention d'Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari rapporte à cet effet, d'après Abdullah ibn Omar, qui a dit « Pendant que mon père était à la maison, rempli de crainte, il vit venir à lui Al-As ibn Wa'il al-Sahmi, le père de Amr ibn al-As, appartenant au Bani Sahm, qui était une de nos tribus alliées du temps de la Jahiliya. Il portait à ce moment une tunique à raies et un kamis cousu de soie. « Qu'as-tu ?» demanda l'As à Omar. « Les gens de ta tribu, répondit-il, ont prétendu qu'ils me tueraient si je me convertissais à l'islam. Ils n'arriveront pas jusqu'à toi, reprit l'As. Je suis rassuré, ajouta Omar, après avoir entendu ces mots. Ensuite, l'As sortit et, rencontrant les gens de sa tribu qui remplissaient la vallée, leur dit, que voulez-vous? Nous voulons ce fils d'Al-Khattab qui a apostasié. Vous n'arriverez pas jusqu'à lui, répondit l'As. Alors les Banu Sahm rebroussèrent chemin car ils comprirent Qu'Omar ibn Khattab était sous la protection d'Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Dans une autre version de l'imam al-Bukhari, sur le numéro 3865, Abdullah ibn Omar a dit: lorsque Omar embrassa l'islam, les gens se groupèrent autour de sa maison en disant: Omar a apostasié. À cette époque, j'étais enfant. Et du haut de la maison, je vis venir un homme vêtu d'un manteau de brocart. Omar a apostasié, s'écria-t-il. Eh bien, à quoi bon ce rassemblement puisque moi je suis ici pour le protéger? Alors, ajouta Ibn Omar, je vis la foule se disperser et s'éloigner. Quel est cet homme? Demandai-je à mon père. C'est, me répondit-il, Al-As ibn Wa'il. Voilà ce qu'on rapporte de la conversion de Omar, de ce qui est authentique. Maintenant, nous allons rapporter aussi des versions qui n'ont pas été authentifiées, mais qui sont rapportées dans les livres de Sira de par leur popularité. Ibn Ishaq, rahimallah tabarak wa ta'ala, a rapporté aussi sur la conversion de Omar et les circonstances de celle-ci, ce qui suit. On m'a informé que Omar se convertit à l'islam de la manière suivante. Sa sœur Fatima bintul Khattab, qui était la femme de Saïd ibn Zayd. Je vous rappelle que Saïd ibn Zayd est un des 10 élus du paradis. Nommé par son nom par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est un des tout premiers à s'être converti à l'islam. Ibn Ishaq nous dit, sa sœur Fatima bint al-Khattab, qui était la femme de Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, avait embrassé l'islam aussi bien que son mari Saïd ibn Zayd. Tout en sachant que le grand-père de Saïd ibn Zayd, Amr ibn Nawfal, nous avions parlé de lui dans des cours précédents, c'est un des rares arabes à être resté sur la religion d'Ibrahim du temps de la Jahiliyyah. Il cachait à Omar qu'ils étaient devenus musulmans. De même, Nu'aym ibn Abdullah al-Naham al-Adawi, qui était lui aussi du clan des Bani Adi, ibn Ka'b, avait embrassé l'islam. Lui aussi cacha à son clan son islam de peur de Omar. Khabbab ibn al-Arat al-Tamimi venait parfois trouver Fatima bint al-Khattab pour lui réciter le Coran. Un jour, Omar portant son épée, sortit et se dirigea vers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et un groupe de ses partisans pour tuer le messager et pour en découdre avec lui. On l'avait informé que ceux-ci se réunissaient dans une maison près de Safa. Ils étaient au nombre de 40 à peu près, comprenant des hommes et des femmes. Parmi eux se trouvaient Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète. Parmi eux, il y avait Abu Bakr ibn Abi Quhafa, Ali ibn Abi Talib, et avec eux un nombre de musulmans qui sont restés à Mecca avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas émigré vers l'Abyssinie. Nu'aym ibn Abdullah al-Adawi, ainsi qu'un homme des Bani Zuhra ou des Bani Makhzoum, selon une divergence, rencontrèrent en chemin Omar. Alors ce dernier lui dit: où vas-tu comme ça, ya Omar? Omar répondit: je veux voir Mohammed, cet apostat qui a mis la discorde parmi les Quraysh, traita d'insensés leurs croyances, critiqua leur religion, insulta leur divinité, je veux le tuer. Nu'aym lui dit alors: je jure par Allah que ton âme t'a trompé, ô Omar. Crois-tu que les Bani Abdimanaf, qui est le clan duquel est issu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, te laisseront marcher sur terre si tu tues Mohammed? Tu seras mieux avisé d'aller chez les gens de ta maison pour les redresser. Omar dit alors: quels gens de ma maison? Nu'aym lui répondit: ton beau-frère et cousin, Saïd ibn Zayd ibn Amr, et ta sœur Fatima bint al-Khattab, car ils ont embrassé l'islam et ont suivi la religion de Mohammed, va donc voir d'abord cela. Omar alors retourna et se dirigea vers sa sœur et son beau-frère. Chez eux se trouva Khabbab ibn al-Arat, qui tenait en sa main un morceau de papier, une sahifa, où était écrite la sourate Taha, la sourate numéro 20, qu'ils récitaient devant eux. Quand ils entendirent la voix de Omar, Khabbab se cacha dans une petite chambre de la maison. Fatima bint al-Khattab prit le morceau de papier et le cacha sous sa jambe. Omar avait entendu la lecture de Khabbab en s'approchant de la maison. Et lorsqu'il entra, il demanda: « Qu'est-ce que ce marmonnement, Al-Haynama ?» Il répondit: « Tu n'as rien entendu. » Il dit: « Mais si, j'ai entendu. On m'a raconté que vous avez embrassé la religion de Mohammed. » Il frappa son gendre, Saïd ibn Zayd. Alors sa sœur Fatima bint al-Khattab se leva pour l'empêcher de frapper son mari. Et Omar frappa sa sœur et lui causa une blessure. Quand il fit cela, Sa sœur et son beau-frère lui dirent: Oui, nous avons embrassé l'islam et nous avons cru en Allah et en son envoyé. Fais donc ce que tu veux. Et si la vérité se trouvait ailleurs que dans ta religion? Omar se recula et dit à sa sœur: Donne-moi cette sahifa, ce papier, cette feuille que je viens de vous entendre lire, pour voir ce que Muhammad a apporté. Omar, radiallahu anhu, pouvait lire et écrire. Il savait lire l'arabe. Quand il a dit cela, sa sœur lui dit: Nous craignons que tu fasses du mal à ce papier. Il répondit: Ne crains rien. Il jura par cette divinité qu'il la lui rendra dès qu'il l'aura lue. Quand il a dit cela, elle souhaita qu'il embrassât l'islam. Elle lui dit: Mon frère, tu es impur parce que tu es associâtre. C'est seulement l'homme pur qui pourra le toucher. Omar se leva et alla pour se purifier. Alors elle lui donna le papier où était écrite la sourate Taha. Il en lut un morceau puis dit: Comme est belle et noble cette parole. Khabbab, qui était caché et qui écoutait la conversation, ayant entendu cela, sortit de sa cachette et dit: Oh Omar, par Allah, j'espère qu'Allah t'a choisi pour répondre à l'invocation de son envoyé. Car je l'ai entendu dire hier: Oh Allah, soutiens l'islam par Abul Hakam ibn Hisham ou par Omar ibn Khattab. Abul Hakam, c'est Abu Jahl, Amr ibn Hisham al-Makhzoumi, ou par Omar ibn Khattab. Viens donc à Allah, viens ô Omar. Alors Omar dit: Indique-moi où se trouve Mohammed. Et Khabbab lui dit: Il est dans une maison près d'As-Safa avec un groupe de ses partisans. Omar prit alors son épée et le mit à sa ceinture. Puis il se dirigea vers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il frappa à la porte. Quand ils entendirent sa voix, un compagnon de l'envoyé d'Allah se leva, regarda à travers une fissure de la porte et le vit armé de son épée. Effrayé, il retourna vers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô envoyé d'Allah, c'est Omar ibn al-Khattab armé de son épée. Hamza ibn Abdel-Muttalib, qui était présent, dit alors: Permets-lui d'entrer. S'il vient cherchant le bien, nous le lui octroierons. Mais s'il vient chercher le mal, nous le tuerons avec son épée même. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Permets-lui d'entrer. L'homme lui ouvrit la porte. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se leva et le rencontra dans la chambre. Il prit Omar par sa ceinture ou par le milieu de son manteau, c'est-à-dire le vêtement du haut, l'attira fortement à lui et lui dit: Qu'est-ce qui t'amène, ô Ibn al-Khattab? Par Allah, je vois que tu ne finiras que si Allah te frappe d'une catastrophe. Qu'est-ce qui t'amène, ô Ibn al-Khattab? Par Allah, je vois que tu ne finiras que si Allah te frappe d'une catastrophe. Omar répondit: Ô envoyé d'Allah, je suis venu pour croire en Allah, en son envoyé et en ce qui est venu d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors l'envoyé d'Allah cria de haute voix: Allahu Akbar. Les gens réunis dans la maison, les compagnons de l'envoyé d'Allah, comprirent alors que Omar avait embrassé l'islam. Les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, partirent alors de cette maison remplis de confiance en eux, par suite de la conversion à l'islam de Omar, ajoutée à celle de Hamza. Ils surent que ces deux protégeraient l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que par eux, ils se vengeraient de leurs ennemis. Ibn Ishaq a dit: Voilà la version transcrite par les gens de Médine au sujet de la conversion de Omar ibn al-Khattab quand celui-ci se convertit. Quand celui-ci se convertit. Ce récit, comme je l'ai dit, n'est pas authentique au vu de ces chaînes de transmission. Ibn Hajar, rahimallah, tabaraka wa ta, dit cependant que ce qui a poussé Omar à se convertir est ce qu'il entendait du Coran par la récitation de sa sœur Fatima. Et il ne fait aucun doute que le Coran, par son éloquence, arrive à nous donner des descriptions précises du jour du jugement, du paradis, de l'enfer, et tout cela a poussé Omar à rejoindre le rang des musulmans. Lui qui pouvait goûter à la beauté du Coran et appréhender son éloquence. Même si ce récit n'est pas authentique par sa chaîne de transmission, cela ne signifie pas qu'il n'a pas eu lieu. Et les savants le citent dans leurs livres au regard de sa popularité, les Shohrati. Omar ibn Khattab fut surnommé Al-Farouq, car Allah subhanahu wa ta'ala a séparé entre la vérité et le faux,